Chapitre 14. Second voyage au vaisseau, pillage général, la tortue, le manioc. Au premier chant du coq, je sautai hors de mon lit et descendis de l'arbre pour dépouiller notre kangourou et partager les chairs, moitié pour être mangé sans retard, moitié pour être salé. Il était temps d'arriver car nos chiens y avaient tellement pris goût qu'ils avaient déjà arraché la tête et qu'ils se préparaient à partager la proie tout entière. Je saisis aussitôt un bâton et je leur en appliquai deux ou trois coups qui les firent fuir en hurlant sous les buissons. Je commençai aussitôt mes fonctions de boucher, mais comme je n'étais pas fort expert, je me couvris tellement de sang que je fus obligé d'aller me laver et changer d'habit avant de me représenter devant mes enfants. Nous déjeunâmes et j'ordonnai alors à Fritz de tout préparer pour aller à Zeltheim, prendre le bateau de cuve et de m'accompagner au vaisseau. Quand il s'agit de partir, nous appelâmes en vain Jack et Ernest pour leur dire adieu. Inquiet, je demandai à ma femme où ils pouvaient être. Elle me répondit qu'ils étaient sans doute allés chercher des pommes de terre et me fit remarquer qu'ils avaient emmené Turc avec eux. Je l'engageai à les gronder quand ils reviendraient. Un peu rassuré, je me mis en marche avec Fritz. Nous arrivâmes sans rien rencontrer au pont du ruisseau et là, à notre grand étonnement, nous vîmes sortir de derrière un buisson en poussant de grands cris nos deux petits polissons. Ils avaient compté de cette manière nous forcer à les emmener avec nous. Mais comme j'avais dessein de prendre dans le vaisseau tout ce que j'en pourrais enlever, je me refusais absolument à ce qu'ils me demandaient, et je leur recommandais de se rendre sur le champ auprès de leur mère pour lui annoncer de ma part ce que je n'avais pas eu le courage de lui dire en partant, c'est que je passerais la nuit sur le vaisseau. Ils nous quittèrent un peu confus. Pour nous, nous montâmes dans le bateau de cuve, et à l'aide du courant, nous atteignîmes en peu d'instants les débris du navire. Aussitôt arrivé, je résolus de multiplier nos moyens de transport, car notre bateau de cuve me semblait insuffisant pour l'immense quantité d'objets que je voulais enlever. Notre bateau n'ayant pas assez d'espace ni de solidité pour transporter une charge considérable, je voulus construire un radeau qui pût y suppléer. Nous eûmes bientôt trouvé un nombre suffisant de tonnes d'eau qui me parurent très bonnes pour ma construction. Nous les vidâmes aussitôt, puis nous les rebouchâmes avec soin et nous les rejetâmes dans la mer après les avoir attachés fortement avec des cordes et des crampons aux parois du vaisseau qui étaient les plus solides. Cela fait, nous établîmes sur ces tonnes un plancher très fort auquel nous fîmes avec d'autres planches un rebord d'un pied de hauteur tout autour pour assurer sa charge. Et nous eûmes ainsi un très beau radeau qui pouvait contenir trois fois la charge de notre bateau de cuve. Cette construction avait employé toute notre journée, et il commençait à faire nuit quand elle fut terminée. Tout ce que nous pûmes faire, ce fut de chercher quelques vivres pour manger, et puis nous passâmes la nuit sur les matelas du capitaine, où nous fîmes un si bon somme qu'oubliant les dangers dont la mer nous menaçait, nous ne nous réveillâmes pas avant le lendemain matin. Dieu eut notre première pensée lorsque nos yeux furent ouverts. Nous le remerciâmes de l'excellente nuit qu'il nous avait procurée et nous procédâmes ensuite au chargement de notre radeau. D'abord, nous vidâmes complètement la chambre que nous avions habitée avant le naufrage, puis celle même où nous venions de passer la nuit. Nous nous emparâmes des portes et des fenêtres, de leurs serrures et de trois ou quatre caisses de bons habits appartenant aux officiers. Je trouvai d'autres caisses qui me firent bien plus de plaisir. C'était celle du charpentier et de l'armurier. Toutes ces boîtes furent déposées sur le radeau. La chambre du capitaine était pleine d'une foule d'objets précieux qu'il destinait sans doute aux riches colons de la mer du Sud en échange de leurs produits. Je ne permis à Fritz d'y prendre que deux montres que j'avais promises à ses frères et quelques paquets de couverts de fer qui devaient mettre fin aux scrupules qu'avait ma femme de se servir de ceux d'argent du capitaine. Ce que nous trouvâmes de plus précieux fut une caisse remplie de jeunes arbres fruitiers d'Europe, soigneusement empaquetés dans de la paille et de la mousse. Je revis avec attendrissement ces pommiers, ces poiriers et ces châtaigniers, production de ma chère patrie, et que j'espérais, avec l'aide de Dieu, naturaliser sous ce ciel étranger. Nous prîmes encore une quantité de barres de fer, de plomb en saumon, de meules à aiguiser, de roues de char, de pelles, de socs de charrue, des paquets de fil de fer et de laiton, des sacs pleins de graines d'avoine et de vesse. Nous trouvâmes enfin un petit moulin à bras démonté, mais dont toutes les pièces soigneusement numérotées pouvaient être aisément reconstruites. Comment choisir parmi tous ces trésors? Les laisser sur le vaisseau, c'était nous exposer à les voir disparaître au premier coup de mer. Nous nous décidâmes à abandonner tous les objets de luxe et nous complétâmes le chargement avec des armes et des munitions. J'ajoutai encore un grand filet de pêche tout neuf, la boussole du navire et une superbe montre marine qui devait nous servir à régler les nôtres. Fritz trouva dans un coin un harpon et un dévidoir à cordes qu'il fixa au devant du radeau pour harponner, disait-il, les gros poissons que nous pourrions rencontrer. Quoiqu'il soit très rare d'en rencontrer si près des côtes, je lui permis cette fantaisie. Il était près de midi quand le chargement fut terminé, et nos deux embarcations étaient remplies jusqu'au bord. Nous coupâmes enfin la corde qui les retenait près du navire, et poussés par un vent favorable, nous prîmes le chemin de la côte. Fritz, ayant aperçu un corps noir qui flottait à la surface de l'onde, me pria de l'examiner avec ma lunette et de lui dire ce que c'était. Je reconnus facilement une tortue de la grande espèce, endormie et se laissant aller au gré des flots. Pour satisfaire Fritz, qui me priait instamment de l'accoster, je dirigeai le bateau vers elle. La voile, en se déployant, me cachait le corps de mon fils, de manière que je ne pouvais apercevoir ses mouvements. Mais le sifflement du dévidoir et la rapide impulsion que notre bateau reçut tout d'un coup me firent comprendre qu'il avait jeté son harpon sur la tortue. « Au nom du ciel !» lui criai-je, « coupe la corde, imprudent ! Je ne suis plus maître du radeau, nous allons chavirer !»« Touchez ! Touchez !» criait mon jeune fou plein de joie. « Elle ne nous échappera pas !» Je laissai la voile et courus à l'avant du navire, une hache à la main, pour couper moi-même la corde. Mais Fritz me fit remarquer que nous ne courions encore aucun danger et me pria d'attendre. J'y consentis, tout en me tenant toujours prêt à couper la corde à la première apparence de péril. La tortue, exaltée par la douleur, nous entraînait avec une effrayante rapidité, et j'avais toutes les peines du monde à maintenir notre embarcation en équilibre. Je remarquai tout à coup que l'animal faisait un coude et cherchait à regagner la haute mer. Je déployai aussitôt la voile, et cette résistance parut si forte à la pauvre bête qu'elle reprit le chemin de la terre. Mais au lieu de suivre le courant qui portait au vaisseau, elle le traversa et nous entraîna à gauche vers la hauteur de Falkenhorst. Nous traversâmes assez heureusement les écueils qui bordent toute la côte. Enfin le bateau vint échouer sur un banc de sable et par bonheur resta droit. Je sautai aussitôt dans l'eau et courus à la tortue qui se cachait dans le sable et d'un coup de hache je lui coupai la tête. Fritz poussa alors un cri de joie et tira son coup de fusil en l'air pour faire venir les nôtres. Ils accoururent, en effet, et nous accablèrent de caresses. Quand ils virent toutes nos richesses, ils s'extasièrent, puis ils coururent admirer la tortue que Fritz avait frappée au cou. Quand la curiosité fut satisfaite, je priai ma femme et mes fils d'aller aussitôt à Falkenhorst chercher la claie et nos deux bêtes de trait, afin de mettre dès le soir une bonne partie de notre butin à l'abri. Un orage ou simplement une forte marée eût suffi pour engloutir ces richesses si précieuses et si laborieusement acquises. Le reflux avait laissé nos embarcations presque à sec. Nous roulâmes sur la côte quelques masses de plomb et nos plus grosses barres de fer auxquelles nous attachâmes les cordes des radeaux. Cet amarre me parut assez solide pour le moment. La claie arriva enfin. Nous ne la chargeâmes que de la tortue et de quelques objets moins pesants, car j'estimais que cette bête pouvait bien peser à elle seule 3 quintaux. Chemin faisant, nous racontâmes ce que nous avions vu au vaisseau, et Fritz parla de la caisse de bijoux. Tous mes enfants regrettaient que nous ne l'eussions pas apportée. « Mes bons amis, leur dis-je, il faut abandonner ici certains préjugés que vous avez apportés d'Europe. Par exemple, l'or et les bijoux, vous devez le comprendre, sont loin d'avoir par eux-mêmes la valeur que nous leur attribuons ordinairement. C'est le luxe et le commerce qui en font tout le prix. Ma femme nous apprit alors que le petit Franz avait découvert à ses dépens un essaim d'abeilles et que par conséquent nous allions avoir du miel. Tout en plaignant le pauvre petit et en nous félicitant de sa découverte, nous arrivâmes près de notre château aérien. Là commença un nouveau travail pour décharger et surtout pour ouvrir notre grosse tortue. Je la retournai sur le dos et à force de soins et de précautions, je parvins à séparer la carapace du plastron sans les briser ni l'un ni l'autre. Je découpai ensuite autant de chair qu'il nous en fallait pour un repas et je priai notre ménagère de nous la faire cuire sans autre assaisonnement qu'un peu de sel. Les pattes, les entrailles et la tête furent jetées aux chiens et le reste destiné à être conservé dans la saumure. Ma femme voulut jeter la graisse verdâtre qui pendait tout autour, mais je lui appris que c'était la partie la plus exquise de cet animal. Elle consentit enfin à vaincre sa répugnance. « Maintenant, papa, s'écrièrent à la fois mes enfants, donnez-nous cette belle écaille. »« Elle n'est pas à moi, leur répondis-je, elle est à Fritz, qui seul en disposera. D'ailleurs, qu'en voulez-vous faire ?» L'un, c'était Jack, la destinait à lui servir de bouclier. L'autre, Franz, de petit bateau. « Pour moi, dit Fritz, je compte en faire un bassin pour recevoir l'eau du ruisseau qui coule auprès de nous. » « Bien, mon enfant, toi seul à penser au bien général. » C'est ainsi qu'il faut agir. Nous placerons ton bassin aussitôt que nous aurons rencontré de la terre glaise, qui d'ailleurs ne saurait manquer ici. Elle est toute trouvée, s'écria aussitôt Jack. C'est moi qui l'ai découverte ce matin, en tombant dessus. À tel point, ajouta la mère, que j'ai été obligée de faire une lessive de ses vêtements. Eh bien, hâtez-vous donc de poser votre bassin, dit Ernest. Je viendrai y faire rafraîchir les racines que j'ai trouvées ce matin aussi. Elles sont très sèches et ressemblent assez aux grosses raves. Je les crois bonnes à manger, car notre cochon s'en régalait avec beaucoup de plaisir. Mais je n'ai pas osé y goûter avant de vous les avoir montrées. Je le louai de sa prudence et je lui demandai à voir ses racines. Je reconnus avec joie que c'étaient des racines de manioc. Prises dans l'état naturel, elles peuvent être nuisibles, lui dis-je. Mais cuites et préparées, elles servent à faire une sorte de gâteau qui remplace fort bien le pain. Ainsi, réjouis-toi de cette découverte, mon enfant. » Cependant, la clé était déchargée. Nous reprîmes le chemin de la mer, tandis que ma femme et Franz restaient pour préparer le dîner. En cheminant, j'appris à mes enfants que la tortue qui fournit la belle écaille employée dans les arts et qu'on appelle carré n'a pas une chair bonne à manger et que celle que nous avions tuée ne pouvait, en revanche, fournir des écailles pareilles. Nous chargeâmes cette fois la clé en partie de nos effets, ainsi que du moulin à bras, que la découverte du manioc nous rendait maintenant doublement précieux. Lorsque nous revînmes au logis, le repas était prêt. Mais avant de nous mettre à table, ma femme me prit à part et me dit « Vous me semblez bien fatiguée. Aussi je vais vous faire goûter d'un nectar qui sans nul doute vous rendra vos forces. » En disant ces mots, elle me conduisit derrière notre arbre. Là, je trouvais caché dans un buisson, pour le tenir frais, un petit tonneau. « Voilà ma trouvaille, » dit-elle. Je goûtai et bus avec délice, car c'était de l'excellent vin des Canaries. Elle l'avait trouvé le matin en se promenant au bord de la mer avec Ernest. Celui-ci l'avait mise en perse et nous avait gardé le secret assez fidèlement pour nous laisser le plaisir de la surprise. La soupe de tortue fut trouvée délicieuse. Mes enfants, qui avaient paru d'abord assez peu alléchés par la graisse verte, n'en eurent pas plus tôt goûté qu'ils ne se firent pas prier pour en reprendre. Et ma femme elle-même avoua qu'elle s'était trompée. Ce fut un des meilleurs repas de ma vie. Tout le monde reçut ensuite un verre de bon vin qui nous ranima tellement que nous trouvâmes des forces pour hisser dans notre demeure aérienne les matelas que nous avions apportés. Enfin, nous remerciâmes Dieu de cette journée de bénédiction et nous nous étendîmes avec bonheur sur nos lits, où un doux sommeil vint bientôt fermer nos yeux. Chapitre 15. Voyage au vaisseau, les pingouins, le manioc et sa préparation, la cassave. « Dès mon lever, j'allais visiter les deux embarcations sans réveiller aucun de mes enfants. Je me glissais avec le moins de bruit possible au bas de l'arbre et je trouvais là vie et activité. Les deux chiens, pressentant que j'allais faire une course, sautaient autour de moi et m'accablaient de caresses. Le coq battait des ailes en criant et les poules accouraient au-devant de moi. L'âne seul était encore étendu tout de son long et visiblement peu disposé à la course matinale que j'avais projetée. Je l'éveillai et l'attelai à la claie sans y joindre la vache que je ne voulais pas fatiguer avant qu'elle eût donné son lait du matin. Et accompagné des chiens, je me rendis vers la côte, flottant entre la crainte et l'espoir. Je vis avec plaisir, en arrivant, que les masses de plomb auxquelles j'avais fixé mes embarcations avaient été suffisantes pour les défendre contre la marée montante. Le flot les avait un peu dérangées, mais elles étaient en bon état. Je me hâtai de charger modérément la claie et je repris le chemin de Falkenhorst, où j'arrivais quand le soleil était déjà assez élevé. Cependant, tout le monde dormait encore. Je poussai un cri perçant comme un cri de guerre pour réveiller les dormeurs. Ma femme fut la première à sortir du lit et fut tout étonnée de trouver le jour si avancé. « Ce sont ces matelas, dit-elle, qui nous ont fait si bien dormir. En vérité, ils ont une influence magique, car mes enfants ne sont pas disposés à les quitter. » « Debout, debout » criai-je alors au petit paresseux qui s'étirait. « La paresse est un ennemi auquel il ne faut pas céder, car tous ces délais sont autant de victoires pour elle. Méfiez-vous, mes enfants, de la propension à la mollesse. Il faut dans un homme de la vigueur et de l'énergie pour le faire triompher des obstacles et lui permettre de se passer des autres. » Fritz fut le premier, Ernest le dernier à sortir du lit selon leur habitude. Quand toute la famille fut sur pied, nous fîmes un déjeuner rapide et nous nous acheminâmes tous vers la côte pour opérer le déchargement du radeau. Nous fîmes successivement deux voyages avec la claie et au second j'attelai la vache pour soulager un peu notre âne. En quittant le rivage, je m'aperçus pour la première fois que la marée montait. Je dis en conséquence adieu à mes autres enfants et je montai avec Fritz dans le bateau de cuve pour attendre qu'il fût à flot. Jack me témoigna un tel désir d'être de ce voyage que je consentis à le laisser monter avec nous. Nous ne tardâmes pas à nous trouver à flot. Encouragé par la beauté du temps, je résolus de faire un autre voyage au vaisseau. Arrivé à la baie du Salut, le courant nous y porta avec sa rapidité accoutumée. Néanmoins, comme nous remarquâmes que l'heure était déjà avancée, nous nous dispersâmes pour tâcher de faire quelques butins, car j'avais averti mes enfants que nous remettrions à la voile avant que le vent qui s'élève chaque soir de la côte eût eu le temps de nous saisir. Jack revint bientôt, rapportant avec lui une brouette qu'il assurait devoir être commode pour transporter les pommes de terre à Falkenhorst. Fritz revint ensuite sans rien rapporter, mais son air joyeux m'annonçait qu'il était content de ses recherches. En effet, il me dit qu'il avait trouvé au milieu d'un enclos de planches une pinasse démontée accompagné de deux petits canons pour l'armée. Plein de joie à cette heureuse nouvelle, je quittai tout pour le suivre et je m'assurai bientôt que mon fils ne s'était pas trompé. Mais je compris que nous aurions bien de la peine pour la mettre en état de voguer. Pour cette fois, je laissai les choses dans l'état où elles se trouvaient et comme le temps pressait, je chargeai mes fils de placer sur le radeau quelques ustensiles de ménage, une grande chaudière de cuivre, des plateaux de fer, des râpes à tabac, un tonneau de poudre, un autre de pierre à feu, trois brouettes, des courroies pour les porter, et sans prendre le temps de manger, nous remîmes à la voile en diligence. Nous arrivâmes heureusement près de la côte, mais quel fut notre étonnement en apercevant au bord de l'eau, rangés de front, une quantité de petits hommes habillés de blanc. Ils nous paraissaient immobiles, les bras tantôt pendants, tantôt tendus vers nous, comme s'ils eussent voulu nous témoigner leur affection. « Ce sont des Lilliputiens, » s'écria Jack, « mais ils me semblent un peu plus gros que ceux dont j'ai lu la description. » Fritz se moqua un peu de son frère et lui apprit que ces Lilliputiens n'avaient jamais existé. Il ajouta que ces animaux devaient être des oiseaux, car il voyait bien que ce que nous prenions pour des bras étaient leurs ailes. Sa conjecture fut reconnue juste, et il se trouva que c'était une bande de pingouins manchots. Nous étions arrivés à peu de distance du bord, quand soudain, sans me prévenir, Jack l'étourdi sauta dans l'eau et courut à terre. Puis, avant que les imbéciles d'oiseaux songeassent à s'enfuir, il leur distribua une volée de coups de bâton qui en abattit une demi-douzaine. Les autres prirent la fuite. Fritz n'était pas content de ce que son frère l'avait ainsi empêché de tirer. Mais je me moquais de sa manie meurtrière et je ris de bon cœur de l'exploit de Jack tout en le grondant de l'imprudence avec laquelle il s'était jeté dans l'eau. Nous nous occupâmes ensuite à débarquer notre cargaison. Mais comme le soleil était déjà bien bas, nous prîmes chacun une brouette que nous chargeâmes selon nos forces respectives de râpes à tabac et de plaques en fer, sans oublier les pingouins de Jack, puis nous nous remîmes en marche. Quand nous arrivâmes à Falkenhorst, les deux dogues arrivèrent les premiers à notre rencontre, et la joie avec laquelle ils nous accueillirent se manifesta si vivement qu'ils renversèrent plusieurs fois le pauvre Jack, dont les faibles mains distribuaient à tort et à travers à ses amis d'inutiles coups de poing. Cette lutte, dans laquelle Jack était loin d'avoir l'avantage, nous amusa quelque temps. Ma femme accourut aussitôt et fut très contente de la découverte des brouettes. Cependant, quelques-uns de nos pingouins, que le bâton de Jack avait seulement étourdis, avaient commencé à se remuer. J'ordonnai de les attacher par la patte à l'une de nos oies pour les habituer à la vie de basse-cour. L'expédient ne plut ni aux uns ni aux autres, et nos pauvres bêtes ne comprenaient absolument rien à cet arrangement. Ma femme me montra alors une bonne provision de pommes de terre qu'elle avait recueillie pendant notre absence, et Ernest et Franz un énorme monceau de la racine qu'Ernest avait découverte la veille et que j'avais prise avec raison pour du manioc. Je donnai à chacun la part d'éloge due à son activité. « Ce sera bien mieux encore, » dit alors le petit Franz, « quand tu verras un jour, en revenant du vaisseau, un beau champ de maïs, de courges, de melons. »« Oh, le petit bavard !» dit ma femme. « Oui, mon ami, nous avons semé toutes ces graines dans les trous de pommes de terre. » Je remerciai ma femme de la surprise qu'elle me ménageait et je rassurai que je n'en avais pas moins de plaisir de l'avoir connue plus tôt. Je lui annonçai ensuite la découverte de la pinasse. Elle accueillit avec assez peu de joie cette nouvelle, car elle prévoyait de nouveaux voyages au vaisseau. Tout ce que je pus obtenir d'elle par mes raisonnements et mes démonstrations les plus convaincantes, c'est qu'elle consentit à nous dire « Il est certain que si jamais j'étais obligé de retourner sur la mer, j'aimerais bien mieux m'y exposer sur un bon navire que sur notre méchant bateau de cuve. » « Mais dis-moi, mon ami, » ajouta-t-elle, « que veux-tu faire de ces râpes à tabac? Tu ne veux pas sans doute habituer tes enfants à priser, et je ne pense pas du reste que tu trouves du tabac dans cette île. Sois tranquille, ma bonne femme, ce n'est point là mon but, et bientôt, quand tu mangeras du bon pain frais, tu béniras ces râpes au lieu de crier après elles. » « Ma foi, je ne comprends pas ce que ces râpes peuvent avoir de commun avec du pain frais. Il vaudrait mieux avoir un four. Ces plaques de fer que tu as regardées avec tant de dédain nous en tiendront lieu. Je ne te promets pas du pain bien levé, mais au moins quelque chose qui nous en tienne lieu. En attendant, fais-moi un sac solide avec de la toile à voile. » Ma femme se mit sur le champ à l'ouvrage, et comme elle ne se fiait pas trop à mes talents en pâtisserie, elle remplit ensuite la chaudière de pommes de terre qu'elle mit cuire pour avoir quelque chose à nous donner. Pendant ce temps-là, j'étendis par terre une grande pièce de toile et je rassemblai tous mes enfants autour de moi pour commencer à exécuter mon projet. Je remis à chacun d'eux une râpe, puis je leur donnai des racines de manioc bien lavées et je leur recommandai de râper. Ils se mirent à l'œuvre en riant, mais avec une telle ardeur, ardeur de l'enfance pour tout ce qui est nouveau, qu'en peu de temps nous eûmes un grand tas de farine qui ressemblait assez à de la sciure de bois humide. « Mange donc, » se disaient-ils entre eux, « mange donc de ton bon pain de rave. » Leur mère elle-même partageait un peu leur prévention, et tout en préparant le sac que je lui avais demandé, elle surveillait la cuisson des pommes de terre, sur lesquelles elle comptait beaucoup plus que sur le résultat de nos efforts. Toutes les plaisanteries me trouvaient insensibles. « Allons, messieurs, leur dis-je, riez à votre aise. « Égayez-vous, et cependant vous allez voir un pain qui fait la principale nourriture de plusieurs peuples de l'Amérique et que les Européens qui le connaissent préfèrent même à celui de froment. Si je ne me suis pas trompé sur l'espèce de manioc, vous me remercierez, j'espère. »« Il y a donc plusieurs espèces de manioc ?» dit Ernest. « Il y en a trois. Deux sont vénéneuses ou malsaines lorsqu'on les mange crues. La troisième peut se manger sans faire de mal, mais on lui préfère les deux autres parce qu'elles sont plus productives et qu'elles ont l'avantage de mûrir plus vite. « Comment ? On laisse ainsi ce qui est bon et sain, dit Jack. Mais c'est de la folie. Pour mon compte, je vous remercie de votre pain empoisonné. » Et il jeta de côté, avec son petit air mutin, la râpe et la racine qu'il tenait à la main. « Sois tranquille, lui dis-je, je ferai en sorte de ne pas t'empoisonner, et il suffira pour cela de bien presser notre farine avant de nous en servir. » « Pourquoi la presser ?»« Parce que tout le principe malfaisant réside dans le suc de la plante, et que quand nous l'aurons extrait par la pression, il ne nous restera qu'une nourriture saine et sans danger. Au surplus, nous aurons soin, avant d'y toucher, d'en faire les preuves sur le singe et les poules. C'est-à-dire que mon pauvre singe paiera pour tous. Je ne veux pas qu'on l'empoisonne, reprit encore Jack. Ne crains rien, et comme tous les animaux, ton singe est doué d'un instinct que l'homme n'a pas, et il est présumable que si le gâteau de manioc que nous lui présenterons renferme quelque partie malfaisante, il se gardera d'y toucher. Jack, rassuré, se mit à la besogne comme ses frères, et je vis avec plaisir le monceau de farine s'élever. Le sac de ma femme était enfin cousu. J'y plaçai ce que mes fils avaient râpé. Il fallut alors songer à un pressoir qui était de toute nécessité. Je pris une forte et longue branche d'arbre, puis j'établis deux ou trois planches au-dessous d'une des racines du figuier. Je plaçai sur ces planches le sac rempli de farine. Je le couvris d'une nouvelle planche et j'étendis au-dessus ma grosse branche dont une extrémité passait dans la racine de l'arbre, tandis qu'à l'autre bout je suspendis tout ce que je pus trouver d'objets pesants. Des pierres, du plomb, des barres de fer qui la firent incliner vers la terre. Cette mécanique produisit l'effet que j'attendais, et nous ne tardâmes pas à voir le jus sortir à flot. Mes fils étaient émerveillés de la simplicité et en même temps des résultats de mon expédient. « Je croyais, me dit Ernest, que le levier n'avait d'autre propriété que celle de soulever les fardeaux ou de déplacer les masses. Je lui démontrai que la pression est une conséquence naturelle de la première propriété. » Car si la racine eût été moins forte, le levier l'aurait soulevée ou arrachée, et c'est la résistance qui produit la pression. Les sauvages, continuai-je, qui ne connaissent pas encore les propriétés de cette puissante mais simple machine, pour extraire du manioc les sucs malfaisants qu'il contient, l'enferment dans des paniers d'écorce faits exprès. Ces paniers sont beaucoup plus longs que larges, mais à force de les remplir, l'écorce se distend et ils deviennent aussi larges qu'ils étaient longs. On les pend alors à des branches d'arbres en attachant au bas de grosses pierres dont le poids leur fait insensiblement reprendre leur première forme. Le procédé n'est pas expéditif, mais il est certain. Ma femme voulut savoir si le jus n'était propre à aucun usage. « Si, lui répondis-je, les sauvages en font un mets qu'ils estiment et dont la préparation consiste simplement à y mêler du poivre et quelquefois du frais d'écrevisse. Les Européens ne le mangent pas. Ils le laissent déposer dans des vases et en retirent un amidon très fin. Ma femme me demanda aussi si cette farine se gardait ou s'il ne nous faudrait pas forcément employer en une seule fois tout ce que nous avions râpé de manioc en me faisant remarquer que la journée entière suffirait à peine à la préparation et à la confection de notre pain. Je la rassurai en lui disant que la farine de manioc pouvait se conserver des années, pourvu qu'elle fût bien séchée. Mais je la prévins en même temps que le bouillon devait la réduire considérablement. Cependant, le jus avait cessé de couler et tout le monde désirait voir le succès de ma panterie. « Si nous faisions le pain !» s'écria Fritz. J'y consentis, mais j'annonçai qu'au lieu de procéder sur le champ à confectionner le pain que nous devions manger, on se contenterait d'abord d'en faire un pour le singe et les poules. Je retirai le sac, je le vidai et j'étendis la farine pour la faire sécher. Puis, en ayant délayé une poignée dans un peu d'eau, je fis une sorte de galette que je plaçai sur une de nos plaques de fer au-dessus d'un feu ardent. Nous eûmes bientôt un joli gâteau, bien doré, et de la mine la plus friande. « Oh, que cela est bon !» disait Ernest. « C'est bien dommage de n'en pouvoir manger tout de suite. »« Pourquoi pas ?» répondit Jack. « Je suis prêt, et François aussi, je pense. »« Mais moi, mon enfant, je ne veux pas. » « Je crois volontiers qu'il n'y aurait aucun danger à tenter l'expérience, mais par prudence nous allons en laisser faire l'essai à notre singe. » Aussitôt que le gâteau fut refroidi, j'appelai le singe et les poules et je leur en fis la distribution. Ils l'accueillirent avec tant de joie que je ne pus m'empêcher d'être rassuré sur le succès de mon expérience. Le singe, surtout, dévorait les morceaux avec un plaisir qui fit plus d'une fois envie à mes fils. j'appris à mes enfants que les Américains appelaient ce pain de la cassave. À présent, continuai-je, préparons-nous à faire de la cassave pour nous, pourvu toutefois que nos bêtes n'éprouvent ni colique ni étourdissement. Ces mots l'ayant frappé, Fritz me demanda si tels étaient toujours les effets du poison. « Ce sont les plus ordinaires, » répondis-je, « mais il y en a qui endorment, comme l'opium, qui corrodent, comme l'arsenic. Mes enfants, vous pourriez peut-être trouver ici un arbre d'un aspect séduisant. Son fruit ressemble à une petite pomme jaune tachée de rouge. Fuyez-le bien. C'est un des poisons les plus violents. On dit qu'il suffit même de s'endormir sous son ombre pour mourir. Il s'appelle le mancenillier. » Je recommandai ensuite de ne jamais toucher à aucun fruit sans me l'avoir auparavant montré. Cependant, ma femme avait fait rôtir un pingouin que d'une commune voix nous déclarâmes détestable. Jack se le mangea parce que c'était le produit de sa chasse. Nous le laissâmes faire tout en le raillant. Le reste de la journée fut employé à faire quelques voyages au bateau et à ramener dans les brouettes les divers objets qu'il avait fallu y laisser la veille. La découverte du nouveau pain était pour nous un bienfait immense. Aussi nous comblait-elle de joie. Et quand vint la nuit, notre prière contint des remerciements encore plus ardents qu'à l'ordinaire pour le Seigneur, dont la main ne cessait de nous combler de présents. Chapitre 16. La pinasse, la machine infernale, le jardin potager. Le lendemain matin, nous allâmes visiter nos poules. Tout était bien portant, ainsi que notre singe qui gambadait de toutes ses forces. Je commandai en conséquence de reprendre les travaux de boulangerie. « À l'œuvre !» m'écriai-je. « Messieurs, à l'œuvre !» Et je distribuai à chacun les ustensiles nécessaires. Les noix de coco, les plaques de fer, furent accaparées en un instant. Des brasiers s'allumèrent. « Voyons qui fera le meilleur pain !» m'écriai-je. Comme mes enfants, tout en travaillant, ne se gênaient pas pour goûter, il nous fallut assez de temps pour en faire une provision. Mes fils bondissaient de joie, et ma bonne femme me demandait pardon en riant de son incrédulité primitive. Le gâteau, mêlé au lait de notre vache, nous procura un des repas les plus délicieux que nous eussions fait dans cette île. Les pingouins, les oies, les poules et les singes eurent leur part du régal, car mes petits ouvriers avaient assez manqué et brûlé de gâteaux pour que nous puissions en faire une abondante distribution. J'éprouvais une envie démesurée de retourner au vaisseau. L'idée de la pinasse se présentait sans cesse à mon esprit, et je ne pouvais me résigner à abandonner au flot une découverte aussi précieuse. Mais un voyage au vaisseau était toujours pour ma femme un sujet d'inquiétude, et ce ne fut qu'avec la plus grande peine que j'obtins d'elle d'emmener avec moi tous mes enfants, à l'exception du petit Franz, parce que j'avais besoin de beaucoup de bras. Je lui promis de revenir le soir même, et nous partîmes bien pourvus de manioc et de pommes de terre cuites, sans oublier nos corsets de liège, qui devaient, en cas de besoin, nous soutenir sur l'eau. Notre voyage jusqu'à la baie du Salut fut sans aucun événement. Nous nous embarquâmes, et comme je connaissais parfaitement l'espace à parcourir, nous arrivâmes bientôt au vaisseau. Notre premier soin fut de porter sur notre embarcation tout ce que nous trouvâmes d'utile, afin de ne pas retourner les mains vides. Vint ensuite la grande affaire, le but unique du voyage, la pinasse. Je reconnus avec plaisir que toutes les parties en étaient si exactement numérotées que je pouvais sans trop de présomption espérer de la reconstruire en y mettant le temps nécessaire. Mais comment la tirer de cet enclos de planches qui nous présentait un obstacle insurmontable? Comment la lancer de là à la mer? Il nous fallait nécessairement la reconstruire sur place, et nos forces n'étaient pas suffisantes pour la transporter autre part. 100 fois je me frappai le front en me demandant ce qu'il y avait à faire, 100 fois je restai sans réponse et sans expédient. Cependant, plus je considérais ces membres épars, plus je fus convaincu de l'utilité pour nous d'une chaloupe solide et légère qui remplacerait ce bateau de cuve où nous n'osions presque pas nous hasarder sans nos corsets de liège. Je m'en remis donc à la Providence pour trouver des moyens et je commençai à élargir avec la scie et la hache l'enclos dans lequel la barque était renfermée. Lorsque le soir arriva, cet ouvrage pénible était loin d'être terminé, mais nous ne quittâmes le travail qu'en nous promettant bien de le reprendre le lendemain. Nous trouvâmes sur le rivage le petit Franz et sa mère. Elle nous prévint alors que, pour être plus près de nous, elle avait résolu de s'établir à Zeltheim tant que dureraient nos voyages au vaisseau. Je la remerciai tendrement de cette marque d'affection, car je savais combien peu elle aimait cette résidence, et nous étalâmes devant elle les provisions que nous avions recueillies. 2 tonnes de beurre salé, 3 de farine, des sacs de céréales, du riz et une foule d'autres objets de ménage qu'elle accueillit avec beaucoup de plaisir. Il se passa une semaine avant que nos travaux fussent terminés. Chaque matin, nous quittions notre bonne ménagère qui ne nous voyait plus que le soir. Pour elle, elle allait de temps en temps à Falkenhorst chercher des pommes de terre et nous la trouvions à notre retour guettant l'embarcation assise sur quelques pointes de rochers. Cependant, la pinasse était entièrement reconstruite dans son enclos de planches. Elle était élégante, même gracieuse. Elle avait sur la proue un tillac, des mâts, une petite voile comme une brigantine. On pouvait, à la voir, juger qu'elle marcherait bien, car elle devait tirer peu d'eau. Toutes les ouvertures avaient été calfeutrées et garnies. Nous avions même songé au superflu, car nous avions placé et assujetti à son arrière avec des chaînes, comme sur les grands vaisseaux, 2 petits canons. Malgré tous nos soins, notre petit bâtiment restait immobile sur sa quille. Et nous n'entrevoyions guère par quels moyens nous pourrions lui faire quitter le vaisseau pour le mettre à flot. Les parois du navire étaient si fortes en cet endroit, les planchers si longs et si épais, qu'il y eût eu folie de notre part à vouloir pratiquer une ouverture à force de bras jusqu'au milieu du vaisseau où elle se trouvait. Une tempête, un coup de vent, pouvait d'ailleurs s'élever pendant cette longue opération et détruire en même temps vaisseau, pinasse et ouvriers. D'un autre côté, je ne pouvais supporter l'idée d'avoir essuyé tant de fatigues, d'avoir travaillé si longtemps, le tout inutilement. Mon désespoir même me suggéra un moyen, et sans en rien révéler à mes fils, je me hasardai à le mettre à exécution. J'avais trouvé un mortier de cuisine en fonte. J'y attachai une chaîne en fer. Je pris ensuite une forte planche de chêne que je fixai au mortier par des crochets aussi en fer. J'y pratiquai une rainure avec un couteau, et dans cette rainure je passai un bout de mèche à canon, assez long pour pouvoir brûler au moins 2 heures. J'avais rempli le mortier de poudre avant de le couvrir avec la planche, et avant de rabattre sur l'aisance du mortier les crochets dont je l'avais garni. Je calfeutrai de goudron les jointures, je croisai par-dessus la chaîne de fer en divers sens, et j'obtins ainsi une espèce de pétard dont l'effet pouvait répondre à mes espérances, mais dont je craignais les suites. Je le suspendis alors dans l'enclos de la pinasse, en calculant, autant que je le pus, le recul, de manière à ce qu'elle ne pût en souffrir. Quand tout fut arrangé à mon gré, je fis monter mes fils dans le bateau, je mis le feu à la mèche du pétard et nous partîmes. Nous arrivâmes bientôt à Zeltheim. À peine étions-nous descendus à terre et commencions-nous à débarquer notre cargaison, que nous entendîmes une détonation effroyable. Les rochers la répétèrent avec un bruit terrible, et ma femme et mes fils en furent tellement frappés qu'ils interrompirent tout à coup leurs travaux. « C'est un vaisseau qui fait naufrage, » dit Fritz. « Courons à son secours. »« Non, » dit ma femme, « la détonation me semble venir de notre vaisseau. » Vous avez sans doute laissé du feu qui se sera communiqué à un baril de poudre et dont l'explosion aura achevé de briser le navire. Je parus croire qu'en calfeutrant la pinasse, nous avions, comme elle le disait, oublié quelques lumières, et je proposai à mes fils de retourner immédiatement au navire pour connaître la vérité. Tous, sans me répondre, sautèrent chacun dans leur cuve, et nos rames, auxquelles la curiosité donnait une impulsion plus violente, nous conduisirent bientôt près du navire. Je remarquai avec joie qu'il ne s'en élevait ni flamme ni fumée, et quand nous fûmes près d'aborder, au lieu de fixer le bateau à l'endroit habituel, je lui fis faire le tour, et nous nous trouvâmes vis-à-vis d'une immense ouverture qui laissait apercevoir notre pinasse un peu couchée sur le côté. La mer était couverte de débris, mais je ne laissai pas à mes fils le temps de s'affliger de ce spectacle, et je m'écriai : « Victoire ! Cette belle pinasse est enfin à nous !»« Ah ! Je commence à comprendre, s'écria Fritz. C'est vous qui avez fait tout cela, mon père, pour dégager la pinasse. J'avouai à mes fils le stratagème dont j'avais cru devoir user. Nous montâmes sur le vaisseau et nous trouvâmes le pétard enfoncé dans la paroi opposée. Alors, à l'aide du cri et des leviers, nous commençâmes à faire glisser notre gracieux et léger bâtiment sur des cylindres placés exprès sous sa quille. Un câble très fort fut disposé de manière à l'empêcher de s'éloigner du vaisseau, et nos efforts réunis l'eurent bientôt mis en mouvement et lancé à la mer. Je fis alors appel à toutes mes connaissances dans l'art de gréer un navire, de le munir de mâts et de voiles. La nuit nous surprit à l'ouvrage. Nous nous contentâmes d'assurer notre nouveau trésor contre les flots et nous reprîmes le chemin de Zeltheim. Il fut convenu que pour ménager à la bonne mère une surprise complète, on se contenterait de lui dire qu'un petit baril de poudre avait fait explosion et endommagé une partie du vaisseau comme elle l'avait pensé. Le gréement de notre pinasse dura 2 jours entiers. Enfin, quand tout fut terminé, mes fils, au comble de la joie de voir ce léger navire glisser sur les flots avec rapidité, me demandèrent comme grâce de saluer leur mère de 2 coups de canon en arrivant à la côte, et comme ils avaient travaillé avec le plus grand zèle et montré la plus grande discrétion, je ne crus pas devoir leur refuser ce plaisir. Fritz fut donc immédiatement érigé en capitaine. Jack et Ernest, canonniers, chargèrent leurs pièces. Puis, au commandement successif du capitaine, les 2 canons partirent l'un après l'autre. Quant à Fritz, qui n'était jamais en retard quand il s'agissait de tirer, il avait déchargé en même temps ses 2 pistolets. Cette petite scène de guerre avait monté la tête à mes enfants, et Jack disait qu'il voudrait bien se trouver en présence d'une flotte de sauvages pour avoir le plaisir de la canonner et de la couler à fond. « Plaise à Dieu, au contraire, lui répondis-je, mon enfant, que nous n'ayons jamais l'occasion de nous servir de notre artillerie. » Cependant, nous touchions à la côte, où ma femme et mon petit Franz nous attendaient, ne sachant s'ils devaient se réjouir ou s'effrayer. Mais ils reconnurent bientôt nos voix. « Soyez les bienvenus !» s'écria ma femme, tout en témoignant de son admiration à la vue de notre belle pinasse qui se balançait mollement dans la baie. « À la bonne heure, j'aurai moins peur de l'eau dans cette pinasse que dans votre vilain bateau de cuve. » Après avoir loué notre habileté et notre persévérance, elle nous dit avec une sorte d'orgueil « Vous nous avez ménagé une surprise, messieurs. Eh bien, Franz et moi, nous ne serons point en reste avec vous. Nous ne sommes point demeurés inactifs pendant que vous travaillez. Et si nous ne pouvons annoncer nos œuvres à coups de canon, quelques plats de bons légumes qui arriveront en temps et en lieu les recommanderont peut-être à votre attention. » Je voulus lui demander des explications. « Suivez-moi, nous dit-elle, suivez-moi par ici. » Elle nous conduisit du côté où la rivière du Chacal tombait en cascade, et là elle nous fit voir, à l'abri des rochers, un potager superbe, divisé en compartiments et en planches, séparés entre elles par de petits sentiers. « Voilà, dit-elle, notre ouvrage. Là j'ai placé des pommes de terre, ici des racines fraîches de manioc, de ce côté des laitues. Plus loin tu pourras planter des cannes à sucre. Et voici des places disposées pour réunir les melons, les fèves, les pois, les choux, et tous les trésors que le vaisseau pourra nous fournir. Autour de chaque plantation, j'ai eu soin de déposer en terre des grains de maïs. Comme il vient haut et touffu, il abritera mes jeunes plantes et les défendra contre l'ardeur du soleil. » Je la félicitai bien sincèrement, et je complimentai surtout le petit Franz de la discrétion qu'il avait mise à garder le secret de sa mère. « Je n'aurais jamais cru, lui dis-je, qu'une femme seule et un enfant de 6 ans puissent parvenir à de tels résultats en 8 jours. « Je n'y comptais pas non plus, me répondit ma femme, et voilà pourquoi nous avions voulu vous faire un secret de notre entreprise, afin de ne pas avoir la honte en cas d'insuccès. D'un autre côté, je soupçonnais quelques surprises aussi de votre part, et je me suis dit, je ne serai point en reste avec eux. » Nous reprîmes le chemin de l'attente. Cette journée fut une des plus heureuses que nous eussions encore passées, et j'eus soin de faire remarquer à mes enfants quelle jouissance pure et vraie le travail apporte à ceux qui s'y livrent. Chemin faisant, ma bonne femme me rappela les plantes d'Europe qui étaient depuis 8 jours à Falkenhorst, et elle m'invita doucement à m'en occuper si je ne voulais pas les laisser périr. Je lui promis d'y songer dès le lendemain. La pinasse déchargée, nous la fixâmes au rivage, et la plupart des objets qu'elle contenait furent déposés sous la tente. Chacun de nous se chargea comme il put de ceux qu'il était facile d'emporter, et nous reprîmes le chemin de Falkenhorst, où ma femme seule avait fait quelques apparitions depuis 6 jours pour soigner nos bestiaux qui commençaient à souffrir de notre absence trop prolongée.